La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. Une maturité impressionnante, une acuité intellectuelle, une logique rigoureuse, une imagination foisonnante et une hypersensibilité, les enfants dits doués possèdent une personnalité avec des caractéristiques plus ou moins prononcées. Ariel Ada est l'une des premières psychologues à s'être intéressée en France aux enfants doués. Elle travaille dans divers centres de consultation et elle a publié plusieurs ouvrages sur la question. Son dernier livre, Psychologie des enfants très doués, a été publié chez Odile Jacob. Elle est mon invitée dans un instant pour évoquer toutes les questions concernant les comportements, les émotions, les relations au sein de la famille ou avec les autres enfants, mais également la scolarité, les tests de la personnalité. Et l'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. La une de la science aujourd'hui où évolution et économie se croisent. Oui Mathieu, avec une étude originale qui montre que la sélection naturelle a certainement joué un rôle dans la révolution industrielle au Québec. Une drôle d'idée qu'on commente dans un instant. Et c'est Fanny Boyon qui réalise aujourd'hui cette tête au carré préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. La psychologie des enfants très doués, un livre donc qui paraît aujourd'hui chez Odile Jacob et dont vous êtes l'auteur, Ariel Ada. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue. Depuis que vous étudiez ces enfants doués, est-ce qu'il est facile de dresser un portrait avec des descriptions constantes de leurs traits de personnalité, comme s'il s'agissait finalement d'une ethnie à part entière? Voilà, justement, c'est le piège, c'est le danger, parce que ça risque d'être réducteur. On dit qu'ils sont hypersensibles, alors voilà. Bon, c'est vraiment... Ils ont des multiples facettes qui sont toutes intéressantes, toutes plus ou moins prononcées, mais ce n'est pas, il n'y a pas un prototype enfant doué. Ouais. Bon, il y a quand même des traits de caractère communs, non? Oui, c'est l'intelligence, la logique, ouais. la rapidité d'esprit, l'imagination, oui. Ouais. Alors le reste, c'est une question de dosage, mais il n'y a pas un type d'enfant dont on dit oui, c'est un enfant doué. En tout cas, vous travaillez depuis longtemps sur les comportements donc au sein de la famille, en société ou à l'école, et on va se retrouver donc dans un instant pour en discuter avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent, certainement des parents aussi concernés par cette question. Hein, ou d'anciens enfants doués. Voilà, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour dialoguer avec nous dans un instant. À tout de suite. Quand la génétique et la généalogie se croisent, c'est aujourd'hui, Axel, à la une de la science. Oui Mathieu, des disciplines qui paraissent éloignées de prime abord, mais qui se retrouvent dans un travail publié la semaine dernière par deux chercheurs québécois. Ils ont étudié des registres de mariage et de naissance de plus d'un million de personnes entre 1608 et 1800 au Québec et pensent avoir trouvé un effet direct de la sélection naturelle sur la révolution démographique puis économique qui a eu lieu dans le pays au 19e. Alors pour comprendre l'originalité de ces travaux, nous sommes avec Evelyne Ayer, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie génétique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors, qu'ont découvert de si intrigants ces deux chercheurs en se penchant sur la société québécoise du 17e et 18e siècle? Ils ont trouvé quelque chose de très intéressant, je veux dire, dont on se doutait, c'est qu'à un moment donné, les individus qui ont un plus fort succès reproducteur, c'est-à-dire qui transmettent le plus de descendants à deux ou trois générations, c'est pas forcément ceux qui ont eu le plus d'enfants. Ah bon? Non. C'est ceux qui ont eu un nombre intermédiaire d'enfants. C'est-à-dire comme si d'en avoir un peu moins permettait d'avoir des enfants de meilleure qualité qui eux-mêmes vont mieux se reproduire. Et donc, la reproduction, le succès reproducteur, c'est pas d'en avoir le plus possible, mais c'est d'en avoir de meilleure qualité possible. Mais comment est-ce qu'on fait pour le voir 300 ou 400 ans après alors ça? Ah ben, ils ont fait ce qu'on appelle des fichiers de population. Donc pour chaque individu de la population, ils ont la naissance, le mariage et tous les enfants, à quel âge ils ont eu chacun de leurs enfants. Donc ils peuvent calculer pour un individu sa fertilité, on verra après comment ils la calculent, et relier ça avec le nombre de petits enfants qu'ont eu ces individus. Evelyne, il faut peut-être juste expliquer que justement à l'époque, dans les registres québécois en particulier, on avait toutes les informations possibles hein, quand les Français sont arrivés justement en Nouvelle-France. Alors le Québec est colonisé à peu près au XVIIe siècle et dès le XVIIe, on a les registres paroissiaux, donc les curés relevaient toutes les informations dans le détail et c'est en dépouillant tous ces registres et surtout en les jumelant, c'est-à-dire en retrouvant quel individu est relié avec tel autre, qu'on arrive à faire ces très grosses études démographiques. démographique. Mais alors vous le disiez, et ce que j'ai pas bien compris, c'est comment on en déduit une relative fertilité d'une femme à cette époque en regardant juste son acte de mariage et la date de naissance de son premier enfant. Eh ben, on utilise un truc, c'est que, en fait, à cette époque-là, en général, on n'avait pas de rapport sexuel avant le mariage. Oui. Donc, le début des rapports sexuels commence au mariage. Et en fait, on calcule l'intervalle entre le mariage et la naissance du premier enfant, ce qu'on appelle un intervalle intergénésique. Et ça, c'est un indicateur de la fertilité. S'il est court, assez souvent d'ailleurs, il y en a beaucoup, c'est 9 mois. En gros, dès que vous commencez à vous reproduire, ben, ça marche. Mmh. Et s'il est plus long, ça veut dire que vous avez une fertilité au sens biologique plus faible. Et pourtant, c'est ces femmes-là qui, 100, 200 ans après, ont plus de descendants. C'est ça qu'ils voient. Voilà, c'est ce qu'ils voient. C'est qu'en fait, l'optimum, entre guillemets, d'un point de vue de la descendance, c'est pas d'être le plus fertile, mais il vaut mieux être un peu moins fertile, mais quelque part, avoir des enfants en meilleure santé. Quel est le lien avec l'économie du pays ? Alors eux, ils essayent de mettre un lien avec l'économie dans le sens où on est dans une population en croissance et que donc on est à un moment où on peut avoir, entre guillemets, un grand nombre d'enfants. Ce qui était le cas au Québec à cette époque. Oui, hein. La moyenne, c'est vertigineux. Hein. À les moyennes, je les ai c'est plus en tête. C'est autour de 8-10 enfants, oui, je crois. Oui, c'est... parce que là, on voit dans l'article, c'est les familles avec 100 petits-enfants ne sont pas rares. Ouais. Quoi. Donc c'est vraiment une époque où finalement... très productif. Ouais. Voilà, très productif. Il n'y avait pas de limite, entre guillemets, au nombre d'enfants à avoir. Et eux, ils pensent qu'après, on rentre dans ce qu'on appelle la transition démographique. La transition démographique, c'est le moment où, on a vu ça dans tous les pays d'Europe, la mortalité infantile diminue et suite à ça, on limite les naissances. En gros, on passe de grandes familles avec beaucoup d'enfants dont certains mouraient en proportion élevée, à des familles plus petites dont les enfants survivent mieux. Et donc, ils voient qu'il y a un lien entre ce changement et, entre guillemets, cette transition démographique. Mais la causalité, par contre, n'est pas claire. À partir de là, c'est des hypothèses. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler de sélection naturelle quand même avec cet effet qu'on voit dans les généalogies ? Alors, l'intérêt des généalogies aussi, c'est qu'on peut mesurer ce qu'on appelle l'héritabilité, c'est-à-dire la part génétique d'un caractère. On regarde dans quelle mesure des apparentés se ressemblent pour un caractère et à partir de là, on calcule une héritabilité. Et il montre notamment que cette fertilité est en partie héritable. Mais l'héritabilité est très faible, hein. Elle est seulement de 5%. Pour vous donner un ordre d'idée, la taille, c'est 80%, l'héritabilité. C'est d'accord. Faible, mais ça suffit pour qu'en peu de temps, il puisse y avoir de la sélection naturelle. Et effectivement, il montre qu'en 3-4 générations, par sélection naturelle, on a une augmentation de cet intervalle intergénésique, donc le lien entre le mariage et la première naissance, de 4 semaines. Est-ce que ce genre de lien entre des changements à l'échelle de la société et l'évolution de notre espèce existe encore aujourd'hui ? Est-ce que nous sommes toujours soumis à une forme de sélection naturelle ou pas ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une autre étude qui a été faite au Québec qui a montré ça, l'étude de l'île aux Coudres, où ils ont montré en à peu près 200 ans, par sélection naturelle, un changement notamment de l'âge à la ménopause, enfin de l'âge au dernier enfant, qui s'expliquerait par de la sélection naturelle. Et on s'attend à trouver ça dans nos sociétés, parce que si les femmes commencent à se reproduire plus tard, celles qui peuvent se reproduire le plus longtemps, c'est-à-dire qui ont un âge à la ménopause le plus tardif, auront en moyenne plus d'enfants que celles qui arrêtent leur reproduction plus tôt. Donc par exemple la contraception, l'aide à la procréation, le DPI, tout ça ne modifie pas le cours de l'évolution ? Ça va certainement jouer, mais c'est à la marge. Hein. Il y a quand même des effets naturels qui restent, ne serait-ce que ceux qui sont liés tout simplement à la fertilité. Alors on voit dans ces travaux, il y a 300 ans, qu'il y avait une fécondité optimale au final. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait la définir cette fécondité optimale en regardant, je ne sais pas, la France ? Quelle serait la fécondité optimale aujourd'hui ? Moi je trouve que ça est très difficile à mesurer la fécondité dite optimale, dur. Notamment en termes d'évolution. Il faudrait savoir dans 200 ans quels sont les gens actuels qui se sont le mieux reproduits. Puis en plus, je trouve que les humains, on n'est pas toujours à l'optimal d'un point de vue évolutif. Par exemple, au Japon, à l'heure actuelle, il y a des problèmes, il y a beaucoup de gens qui ne se reproduisent pas. En termes évolutifs, c'est certainement pas un optimum. Alors, depuis le début, on parle, mais sans s'en rendre compte, de la capacité biologique des femmes et de la transmission de ces caractères. Est-ce que les hommes ont joué un rôle à un moment dans ces 400 ans d'évolution ? Alors, dans cette étude, ils ne le montrent pas. Mais par contre, on sait à l'heure actuelle en Europe qu'il y a un effet de la fertilité lié sur chez les hommes, notamment lié au chromosome Y. Et on voit de la sélection en cours à l'heure actuelle avec des hommes qui ont des chromosomes Y plus fragiles et qui donc sont plus soumis à des effets de l'environnement et qui perdent de la fertilité. Merci beaucoup Evelyne Heger. Un petit mot quand même sur votre actualité également, au travers d'un livre qui s'appelle « On vient vraiment tous d'Afrique, point d'interrogation » avec Carole Reynaud-Paligaud et qui fait suite à l'exposition sur le racisme au Musée de l'Homme. Tout à fait, ouais. À partir des questions du public et des journalistes. Qu'est-ce qu'on peut y trouver alors exactement? Vous allez avoir justement des réponses à des questions que visiblement se posent les gens sur cette question du racisme. Ouais, donc c'est une suite finalement à l'exposition. C'est une suite. Au travers de l'analyse de ces questions et c'est chez Champ Actuel, chez Flammarion. Merci beaucoup Evelyne Heger. Merci. Axel, à demain. À demain Mathieu. Started when you were here above, before I had a favorite love, before back when I adored but now I'm fearing love, before every other fella I was hearing love, back when the day would fade to grey when you were clearing love, cause now I only made love if I'm in love. You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear, cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an ass, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning in stark. Just know you clouded my guts, going down on this love. But now I sit in a hurry, worry nuts that I bust. Knowing you only went down to so what the fuck is up? You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. Check, look. I know this shit sounds philosophical and borderline ironic, but this topic's very logical. Whether it's a blessing or a motherfucking obstacle that breaks apart and leaves the brokenhearted to the hospital. Powerful devotion for some. When I was young, lack of any kind of emotion had me hopeless and numb. Back when I was dumb, I was never running my gums, just always running from webs that I spun. Stress weighing a ton, weight was more than I was able to bear. Cause in my mind it's mad fruity to be labelled a pair, but blatantly scared, escaping any fragrant affair. That was my duty, always threw me into times of despair. Writing rhymes to try to describe the many times that I care. Cause honestly, to put it properly, I'm underprepared. And who am I to play the cast away? I've got a bigger part to play. So when they ask me, it ain't hard to say. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. So why are you crying? Stop the crying, I weren't crying on you. Stop the lying, worry about them brothers lying on you. They're sliding on you, bump and grind every night upon you. Getting slag upon you, crying upon you, then get tired of you. Balling cause I ain't on you, what the fuck you mean? Closest to trust I've ever seen. Well shit, well there I said it now, forget it like a dream. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. Should've kept it clean. Can't forget the shit you seen. You should've kept it clean. No regret, can't forget the shit you seen. Should've kept it clean. You should've kept it clean. You should've kept it clean. You should've kept it clean. Not me. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. Lloyd Cartner, You Don't Know. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter. Ariel Ada, vous êtes psychologue clinicienne et spécialiste donc des personnes douées, hein, parce que vous vous occupez des adultes comme oui. des enfants. Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup des enfants d'ailleurs, principalement, on les oublie un petit peu après. Oui, bah c'est parce que les parents s'intéressent à leurs enfants, veulent savoir, et puis ils couraient dans comme ça l'idée que après tout, après les gens s'alignent, s'endorment, s'éteignent, ouais. se normalisent, je pourrais dire. Et qu'en est-il ? Non, pas du tout. Un enfant doué reste un adulte doué. Et il a intérêt à être identifié le plus tôt possible. Ouais, ça c'est ce que vous dites, hein, effectivement. Et oui. Et puis, il y a une phrase de Sciorran que je cite, je ne sais plus où, où je dis « on ne devient pas normal impunément ». Et ça, cette phrase m'enchante. Ouais, parce qu'un enfant doué n'est pas un enfant normal ? Oui, enfin, on ne se normalise pas impunément. Si, ouais. un enfant doué est un enfant absolument normal. Il aime jouer, il aime rire, il s'intéresse à des quantités de choses, à toutes sortes de jeux. Il aime apprendre. Mais il y met une intensité que les autres n'ont pas. Et puis, c'est multiple. Il a de multiples centres d'intérêt. Il a des passions. Son imagination galope loin. Il y en a beaucoup qui écrivent des histoires, qui inventent des histoires et ça les enchante. Ouais. Et puis, on accentue beaucoup l'hypersensibilité, oui, mais c'est une façon de tout amplifier. Donc oui. je dis que pour eux, le monde s'écroule 3 fois par jour. Oui, c'est ça, oui. Mais comment vous avez été amené à vous intéresser en particulier à ces enfants et à vous spécialiser finalement aussi sur cette question ? Alors, il y a très très longtemps, dans les années 60, j'ai commencé à travailler. À l'époque, on faisait des tests systématiquement. Oui. C'était un protocole hospitalier, tests, entretien avec les parents et ensuite consultation médicale. Enfin, oui. c'était... Et donc, j'ai bien vu qu'il y avait des enfants qui étaient nettement au-dessus des autres et qu'il y avait des différences que peut-être je ne cernais pas, mais il y avait des différences, il n'était pas question de les aborder de la même façon. Parce que si on les aborde comme les enfants qui sont plus moyens, très vite, on a l'impression qu'il y a une pathologie. Alors que pas du tout. C'est-à-dire que l'imagination, par exemple, on dit « oulala, dans quoi il part ?» difficulté avec papa, avec maman, avec les frères, enfin... On dramatise, alors que lui, c'est son caractère, il est comme ça, il adore les histoires noires, il raconte, ils ont de l'humour noir, ouais. qui peut être noir, alors que les enfants ne l'ont pas, ils racontent des histoires qui peuvent être horribles, ils sont enchantés. Ouais. Il ne faut pas le prendre au sérieux, vraiment au pied de la lettre. Ouais. Est-ce qu'on arrive à estimer la part, le nombre de ces enfants, la proportion dans la société aujourd'hui, et dans une classe par exemple ? Parce que alors, je ne sais pas si c'est faux ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a une inflation d'enfants doués en ce moment. On a tous autour de nous des parents qui découvrent que leur enfant finalement est doué avec un haut potentiel. Oui, ça semble comme ça, c'est-à-dire qu'on les détecte. Est-ce qu'il y en a plus ou pas ? Non, c'est toujours 2%. Le test est calculé et les moyennes, on compare les résultats d'un enfant à un test aux résultats obtenus par des enfants de la même classe d'âge dans une fourchette de 3 mois. C'est très précis. Mmh. Et ça se répartit. C'est-à-dire, je sais pas, des mots de vocabulaire. À 5 ans, il est normal qu'il puisse en donner, je sais pas, 20 définitions. Oui. Les enfants doués en donneront 30. Oui. Et il y en a d'autres qui en donneront 5. Donc, ça serait parti comme ça. Alors, je pense que l'école devenant un petit peu moins exigeante, demandant le saut de classe, l'entrée anticipée en CP à 5 ans devient très compliquée. Oui, mais les tests restent les mêmes quand même, non ? Ils sont renouvelés tous les 10, 15 ans, réétalonnés. Le dernier, le WISC 5, qui est sorti en novembre 2016, est plus difficile. Ah, quand même. Ah oui, il est plus difficile. Un test ancien n'a plus de valeur. J'ai vu une petite fille, la mère me dit, elle a 140, je la vois. Non, elle a vraiment pas 140, c'est homogène. Mais c'était un test. La psychologue avait fait un test qui datait d'il y a 2 tests. Ouais. Alors, ça perd sa valeur. Ouais. On dit, c'est 2%, de toute façon c'est 2%. Mais en classe, c'est plus difficile pour eux, alors que des gens qui sont plus âgés disent, j'ai eu une scolarité assez facile, j'ai sauté une classe, je n'ai pas eu de problème. Ouais. Mais c'était plus difficile. Il y a Laetitia qui nous envoie ce message, il y en a beaucoup qui arrivent déjà sur le site de l'émission. Elle est maman de 3 enfants, dont un est un enfant précoce, il va avoir 20 ans. Et je pense, dit-elle, que mon 3e enfant présente les mêmes particularités. Pourquoi parler d'enfant doué ? Est-ce une autre appellation qu'enfant intellectuellement précoce ? Ou est-ce autre chose ? Non, ça tombe bien parce que je voulais vous poser la même question. J'ai toujours dit doué parce que ça englobe beaucoup de choses. Au potentiel précoce, on parle bien de la même chose. C'est la même chose, d'autant plus que... en tout cas pour les adultes doués, ils ont toujours d'autres dons. Ils sont artistes, ils font de la peinture, ils écrivent des livres, ils font de la poésie ou de la photo. Enfin, ils ont très souvent un autre don qui leur permet d'exprimer une partie plus sensible, plus affective de leur personnalité, indépendamment du don intellectuel. On évoquait avec vous, il y a un instant justement, ces tests de reconnaissance. On va écouter l'extrait d'un reportage qui a été diffusé sur la radio-télévision suisse en 2017 sur les surdoués, justement, au potentiel de souffrance. C'était le titre du documentaire. Qu'est-ce qu'il a de spécial, Esteban ? Il est très sensible. C'est soit tout à fait, soit pas du tout. Il est pas trop au milieu. Par exemple, prend la vie du bon côté, prend la défense des faibles. Mais d'un autre côté, ils se sont vite incompris. Il y a beaucoup d'injustice, ça le révolte. Et du coup, ça déborde. Il est très vite envahi par ses émotions. Mais c'est un enfant plein de vie. Plein de vie, mais pas facile à éduquer. Le souci avec lui, c'était qu'il était perturbateur dans sa classe et puis qu'on n'arrivait pas à le situer et le rendre heureux dans sa scolarité. Donc pour finir, on lui a fait sauter une classe et ça s'est passé bien mieux. Voilà le portrait d'Esteban, Ariel Ada, donc extrait de ce documentaire. Faire sauter une classe, c'est souvent une solution d'ailleurs pour résoudre un certain nombre de problèmes. Moi, je trouve le primaire est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de redites. Alors même d'ailleurs, l'éducation nationale le reconnaît, le CE2 en particulier, c'est vraiment une redite du CE1. On leur explique, ils comprennent, ils savent, et sinon ils s'ennuient. Ils s'ennuient, alors ils deviennent comme Esteban, perturbateurs, ou alors ils s'endorment. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a d'autres messages. Eric nous dit « Mon fils de 16 ans en classe de seconde a été tardivement diagnostiqué précoce en classe de troisième. Il a au fil des ans développé un système paresseux en comprenant sans effort et en maintenant que le niveau scolaire monte, il se heurte à l'exigence attendue de ses enseignants et reste dans un fatalisme passif. Quel conseil pour lui donner le goût de l'effort ?» Alors ça, c'est quelque chose sur lequel justement vous insistez aussi. Ah oui, je radote là-dessus. Ouais. Je dis qu'il faut donner très tôt le sens de l'effort. Ils n'ont pas le sens de l'effort parce qu'il n'est pas nécessaire. Ouais. Et ça, c'est vraiment à double tranchant. Ah, c'est terrible. Pendant tout le primaire, c'est le piège. Au moins sauter une classe, ça leur donne un petit élan. Mm-hmm. Mais pendant tout le primaire, ils ne font aucun effort. Mais parfois même jusqu'au bac. Je vois des gens qui me disent « Je n'ai pas travaillé et j'ai eu le bac, j'ai eu une mention assez bien, mais je n'ai pas du tout travaillé. » Et après, c'est la catastrophe. Alors après, ils s'effondrent. En réalité, c'est pas une chance du tout. Ah non, ils s'effondrent. En prépa, le nombre de gens que je vois en prépa qui basculent, ou médecine, ou le droit, enfin où il faut apprendre par cœur, ils ne savent pas. Jusqu'à présent, ils lisent, ils savent. Là, ils ont beau lire, ils ne savent pas. Ouais. Alors, il y a des techniques. Il faut leur apprendre non seulement le sens de l'effort avec du sport, genre dit le patinage artistique, les sauts en ski, enfin ces choses qu'on admire en disant « mais comment font-ils ?» D'accord. On dit « c'est du travail hein. ». Ouais. Donc, le sens de l'effort avec du... Les filles font de la danse, alors là, on ne sait jamais assez bien, on est tranquille. Des sports assez raffinés. Moi, je préconise les sports de combat qui aussi permettent la maîtrise des émotions, comme on disait Esteban. Ouais. Donc, être confronté à l'effort, un peu de rugosité. Absolument, se dépasser. En plus, ils aiment bien se dépasser. Je parle du goût du défi. Ils aiment ça, mais il faut en avoir l'opportunité. Et l'école ne la donne pas. Et il y a aussi des techniques. Alors moi, je ne connais que la gestion mentale qui apprend aux enfants à utiliser leur intelligence. Comment procéder pour retenir par cœur. Donc ça, ce sont vraiment des méthodes. C'est des méthodes. Voilà. Il faut absolument passer par là. Sinon, il s'effondre. Il s'effondre, lui, c'est en troisième, mais ça peut arriver en première. Donc il faut vraiment le négocier avec son enfant assez tôt. Pour lui dire, attention, parce que tu as des facilités, mais ça va te jouer de mauvais tours plus tard. Il faut lui expliquer. Mais lui expliquer, vraiment. Les enfants sont très sensibles. Mmh. Moi, je dis, par exemple, pour les neurones, quand il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, les tables de multiplication, etc., je leur dis, mais on dit qu'ils doivent entraîner leur cerveau. On montre les neurones, on montre comment ça fonctionne. On dit, tu vois ces routes-là, il faut que tu t'entraînes là. Ouais. Et ça, c'est un argument scientifique. Ils sont très sensibles. Ça. Voilà, c'est ça. Il faut leur donner de la matière aussi, parce qu'ils aiment raisonner, ils aiment les données, ils aiment le savoir. Donc, faut pas hésiter aussi à argumenter aussi avec eux. Voilà, il faut alors pas négocier éternellement, mais leur donner des arguments scientifiques incontestables. Oui, on reviendra sur cet aspect négociation pour les parents, parce que c'est très important de ne pas tomber dans ce piège-là, justement. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion. Souvent,

Voilà, extrait de ce film Marie, sorti en 2017, Ariel Ada, un exemple hein, que certains professeurs enseignants qui nous écoutent ont probablement vécu. Hein. Pas souvent quand même. Ah bon, à ce point-là, oui, pas ils sont souvent. Plutôt du genre à dire que 3 fois 8, ça fait 21. Ah oui. Ah oui, oui, ils flottent un petit peu, ils n'apprennent pas leur table de multiplication, parce ouais. qu'à quoi ça sert, on peut compter. Et ils sont pas. Et on a comme ça des enfants... extraordinaire, moi je veux dire, j'en ai jamais vu en c'est arithmétique. Vrai non. Ah, tiens, pourtant, c'est j'en ai drôle. Vu des milliers, j'en ai jamais vu. J'ai demandé à mes collègues, je ne sais pas où on va pêcher ces enfants, puisque parfois on en voit à la télévision. C'est vrai, mais oui. Et dans le courant, ils ne sont pas. Ah, donc, c'est pas du tout représentatif ah, non, ce qu'on vient d'entendre de la réalité. Pas du tout. Ouais. Pas du tout, ils flottent. Alors ils aiment bien les maths, il y en a qui aiment bien, mais ça va pas, c'est normal quoi, ça reste dans la norme. Ouais. Sinon, ça me fait penser à la leçon de Ionesco. Enfin. Alors, des messages des auditeurs justement, des témoignages, il y en a beaucoup, hein, vous imaginez. J'imagine. Il y a Laure qui nous dit, j'ai un enfant très doué de 6 ans et son frère aîné 7 ans et demi qui est normalement doué, ce qui est parfois difficile pour l'aîné dont le petit frère est souvent plus fort, plus rapide, plus malin, en un mot plus doué. Ouais. Comment gérer affectivement notamment cette différence? Ça c'est pas facile hein. Surtout quand c'est l'aîné, hein, ouais, l'aîné qui est moins doué. L'aîné garde ses prérogatives d'aîné, sa place d'aîné. Ouais. Ben oui, mais s'il est moins doué, il brille pas de la même manière. Il a certainement un domaine où il peut briller. Ouais. Et puis, même pour le cadet, l'aîné occupe une place qu'on ne remet jamais en question. Il rêve de le dépasser, ouais. mais ça reste un rêve. L'aîné le protège, l'aîné doit garder sa place. On la lui reconnaît. Et on lui donne aussi des spécificités. Il a certainement des domaines où il est aussi brillant. Ouais. Sauf qu'il peut se sentir dévalorisé vis-à-vis de son petit frère. Et ça, c'est compliqué aussi. Non il peut, surtout s'il était un peu jaloux à la naissance, parce que là, il n'y a pas beaucoup de... Ah, oui, en plus. Ouais, alors, s'il a eu des jalousies, alors ça le travaille. On lui redonne du brillant. On lui redonne du brillant avec des activités qu'il fera, que l'autre ne fait pas. Donc ça, c'est le travail des parents, de bien... Oui, et puis sa place, la place de bien l'aîné, localiser ça. Voilà, ne bouge pas, elle est intangible. On ne peut rien... Enfin, il n'y a rien à discuter de ce côté-là. Ouais. Alors, on a un autre message, celui de Dominique, qui a été déclaré haut potentiel à 61 ans. Et alors, c'est intéressant ce qu'il nous dit, parce qu'il déclare « Je suis passé à côté de ma vie, l'impression d'avoir vécu sur un mensonge, celui de penser qu'on fonctionne tous pareil, et par conséquent, que je n'étais pas aux normes, inadapté, voire pire. J'ai passé ma vie à me contorsionner pour être aimé, pour être comme les autres. » Diagnostic ultra tardif, alors. Je vois des gens qui disent, alors ce sont donc des grands-mères parfois, qui disent, mais mon petit-fils a été diagnostiqué, et finalement je me suis documentée, et j'ai encore des années à vivre, je vais prendre ma retraite, ouais. et je veux en avoir le cœur net, je veux savoir, et c'est un soulagement extraordinaire. Quand les gens apprennent qu'ils sont doués, c'est une grille de lecture qui apporte un éclairage ouais. qui donc, ne ressemble à rien d'autre. Donc ils passent des tests aussi. Ils passent des tests, l'étalonnage sera... Adapté à leur âge ou oui, pas ? Oui, le veille se va jusqu'à 79 ans. D'accord. Donc on a de la marge. Oui, effectivement. Ouais. Oui, bien sûr. C'est étalonné, c'est tout à fait... Parce qu'il y a des choses qui diminuent un petit peu, de la rapidité, le calcul mental, des choses comme ça. Mais c'est un éclairage qui les soulage terriblement. Oui. Ça y est, ils sont enfin en accord avec eux-mêmes. Mais c'est terrible quand même, parce que ce monsieur nous dit « J'ai l'impression d'avoir vécu sur un mensonge, d'être passé à côté de ma vie. » C'est un bouleversement, oui. Sur le moment, ils sont émus, je les vois qui pleurent, même en passant le test, vraiment parfois. Ah oui, ils pleurent. Parce qu'ils réalisent l'émotion, tout ça. Et même quand on fait passer un test à un adulte de cet âge-là, on l'accompagne au fur et à mesure du test. Par exemple, une prof, il dit « Ah non, je n'ai pas du tout de mémoire. » Puis ils s'aperçoivent qu'ils réussissent et on les accompagne. Et c'est une révélation petit à petit. C'est terriblement émouvant pour eux-mêmes. Même si, enfin, ils se rendent compte qu'ils réussissent. Ils disent « Mais c'est facile, finalement. Ouais. » Et là, ça leur apporte un éclairage. Ça y est, enfin, ils comprennent. Ils comprennent pourquoi ils ont du mal à avoir des amis, pourquoi au bureau c'était difficile. Ils comprennent. Alors, dès le départ, d'ailleurs, vous parlez du choc des parents lorsqu'ils apprennent que leurs enfants sont à haut potentiel ou sont doués. C'est pas toujours une bonne nouvelle. Enfin, c'est pas toujours accueilli comme étant une bonne nouvelle. Non, en général, non. On croit que les parents, oui. les mécaniques se vendent. Exactement. Mon enfant est doué, mais pas du tout. Et que ça rend très heureux. Pas du tout. Ils ont lu, ils sont documentés, ils ont toujours eu des images catastrophiques. Ils se disent, Il va être plus... Alors, au fond d'eux-mêmes, ils se disent il est peut-être plus intelligent que nous. Donc, on ne va pas savoir le... Ah oui, c'est vrai. On ne va pas savoir le manager. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on va garder de l'autorité? Alors que les parents restent les parents, la question ne se pose même pas. Mais eux se disent ça, alors que c'est pas vrai. Il y a une partie génétique. Les parents peuvent faire partie des adultes doués et non reconnus. Donc, c'est... il y a quelque chose, mais ils ne veulent pas le savoir. Alors, ils ont peur de ça. Ils se disent avec l'école, ça va être la galère. Et là, ils ne se trompent pas. Là, ils voient juste. Ils se disent, on va au-devant d'ennuis terribles. Et moi, je leur dis, mais c'est quand même un bonheur, une richesse, un plaisir des enfants. Ouais. Ce sont des trésors. Vous visitez un musée avec eux, vous participez à la nature qui est si belle. Ils le comprennent, ils le saisissent. Finalement, il y a beaucoup d'idées négatives qui circulent aujourd'hui sur les hauts potentiels. Oui, parce qu'on met l'accent sur les côtés... sur les difficultés. Oui, alors, et d'une part, on en fait des calculateurs de génie, ce qui n'existe... Enfin, ce qui est vraiment des saints savants. Oui, on a tendance, ils savent beaucoup de choses, alors que non, ils ont cette sensibilité qui imprègne tout, et ils adorent parler avec les adultes, parce que surtout si on leur parle, non pas comme à des enfants, mais à des êtres humains normaux, enfin, on bêtifie pas, et ils sont enchantés, hein, ils partent de là, ils sont vraiment ravis, on leur fait des compliments, ils sont ravis. Ariel Ada, on va écouter un nouvel extrait du film Marie. Là, c'est la rentrée des classes. Et c'est la rencontre entre la directrice et un père d'enfant doué. Comment allons-nous régler ça? Vous savez qu'elle peut être renvoyée? J'espère que non. Mademoiselle Stevenson pense que votre enfant est exceptionnel et que notre programme scolaire n'est pas du tout adapté à ses capacités. Il se trouve, justement, que je suis très amie avec le directeur de l'Institut Hawks. Pour enfants surdoués. Je suis conscient qu'envoyer son enfant dans cet institut, c'est ce que feraient des parents dans 9 cas sur 10. La dernière chose dont cette petite fille a besoin, c'est qu'on souligne le fait qu'elle est différente. Croyez-moi, elle le sait. Alors, je crois que Marie doit rester dans votre école. Ça s'est mal passé aujourd'hui, on ne frappe pas les gens. Mais un grand brutalise un petit de 7 ans et elle le défend. Monsieur Adler, votre fille a cassé le nez d'un enfant. Non, je regrette, je décline votre offre. Marie reste ici. Sauf si vous la virez. C'est une grave erreur. Nous ne serons jamais en mesure de hisser votre enfant au niveau d'excellence auquel elle peut prétendre. Contentez-vous d'en faire quelqu'un de bien. Ariel Ada, que pensez-vous des propos de ce père qui dit, mais surtout ne soulignez pas que ma fille est différente? Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça, finalement? Mais non, il faut prendre en compte. Ce n'est pas une différence, c'est quelque chose en plus. On ne peut pas dire que c'est un enfant différent, mais il faut prendre en compte le don intellectuel. Quand on dit sauter une classe, on a pris en compte. Nourrir, lui permettre de lire, même pas voir, ils lisent en classe. Ils ont compris, ils ont entendu, ils lisent. Ouais. Mais il vaut mieux quand même, au moins, qu'ils fréquentent des enfants comme eux, ponctuellement, pour quelques activités ponctuelles. Je parle d'oasis bienfaisantes. Ils sont entre eux, ils sont heureux. Ils peuvent s'amuser, ils n'ont pas peur d'être jugés, ils sont sûrs d'être compris, tandis que les autres ne les comprennent pas toujours, comprennent pas leur humour. Est-ce que c'est pas une bonne initiative de la part de ce père de vouloir justement laisser sa fille dans une école normale, pour être intégrée socialement aussi avec des enfants très différents, plutôt que de la mettre dans une bulle, dans cette oasis un peu que vous décrivez là? Alors oui, l'oasis c'est ponctuel, hein. C'est un week-end de temps en temps, un samedi de temps en temps, ponctuellement, une colonie de vacances. Mais une école spécialisée, là on n'est plus dans un oasis. Alors il faut pas rêver parce qu'il y a très très peu d'écoles spécialisées, donc c'est pas la peine de fantasmer là-dessus. Alors il faut que l'école soit quand même d'un bon niveau, il faut qu'elle alimente les enfants, tout dépend des écoles. Je vois des parents qui disent non, les maîtresses sont bien, elles alimentent bien, elles leur apprennent des choses intéressantes, il y a des maîtresses de maternelle qui sont fantastiques, là c'est parfait. Mais si on répète, on radote des choses qu'ils connaissent par cœur depuis toujours, ils vont s'ennuyer. Là ça ne va pas du tout, donc tout dépend de l'école. Et aussi du regard de la maîtresse, là, dans l'épisode précédent, vous voyez, la maîtresse qui supportait très mal que cet enfant réponde si bien. Et là, il faut qu'il y ait quand même quelque chose. Il faut que si l'enfant se sent compris et apprécié de la maîtresse, ça ira beaucoup mieux. Isabelle nous écrit, je suis enseignante justement, j'ai en cours un enfant à haut potentiel, ce jeune élève de 6e, introverti, ayant peu d'estime de soi, a beaucoup de mal à trouver sa place dans la classe, il s'ennuie, se dit déprimé, il prend de la distance avec les propositions pédagogiques que j'ai pu lui faire et n'y adhère vraiment pas, je suis totalement désemparée, dit Isabelle, que faire ? peut-être lui donner un travail personnel à faire sur une recherche, quelque chose qui l'intéresse, un domaine où il est passionné, qu'il fasse un exposé, qu'il puisse avoir le... il a certainement le goût de la recherche, les enfants le goût de la recherche, et ensuite qu'on lui reconnaisse ce qu'il a fait, qu'on lui reconnaisse son travail, quelque chose qui le motive lui personnellement, sinon... Mais peut-être qu'il veut aussi, il ne veut pas se différencier des autres aussi, il y a aussi ça. Mais un enfant qui se dit déprimé en sixième, il faut être attentif à lui, j'imagine. Oui, ça peut poser problème quand même. Oui, parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent mourir. Des parents m'appellent en disant, je suis très ennuyée, il dit qu'il veut mourir. Alors, moi je rassure en disant, les enfants disent, ils ne réalisent pas très bien ce que ça veut dire, ils n'ont pas cette notion que nous on a de la mort. Donc pour eux, c'est, j'en ai assez, je veux partir. Enfin, mais je veux partir, mais pas partir définitivement. Ouais. Je veux partir de là. Oui, il faut quand même en tenir compte, il faut tout examiner. Il y a aussi, il y a le harcèlement malheureusement, dont il faut tenir compte. L'école dit non, chez nous jamais, mais enfin il y a des harcèlements subtils. Là, il faut en tenir compte, peut-être changer d'école, ou alors, je reviens à dire qu'ils rencontrent des enfants comme eux. Là, et même je donne comme conseil, justement, puisque ça, ce livre est fait des chroniques qui ont paru dans le Journal des Femmes, sur Internet, je dis aux parents de faire lire à leurs enfants, ou de leur lire ces chroniques, ou des passages. Parce que là, ils reconnaissent quelque chose d'eux. Oui. Ils n'ont pas l'impression d'être fous, parce qu'ils croient qu'ils sont fous, d'être anormaux, non. Et ils lisent noir sur blanc, écrit par quelqu'un qui ne les connaît pas, quelque chose qui les concerne. Mmh. Ça les apaise, ça les soulage. Et ça peut amorcer un dialogue aussi, pour sortir un petit peu du problème. Et ça peut amorcer un dialogue. Allez, on poursuit notre discussion dans quelques minutes. vous jure qu'il est bizarre. Il n'est de nulle part. Bernard Sangs, Véronique Sanson. La tête au carré sur France Inter. Allez, on va se ranger. Veiller sur ses enfants, considérés souvent comme trop intelligents, n'est pas de tout repos. Allez, on y va. Certains sont rebelles à toute forme d'autorité, comme Virgile par exemple. Non, qu'est-ce que c'est nul cette école. Pour lui, venir à l'école, c'est une corvée. Virgile, tu sais très bien que si je te laisse tout seul à l'arrière, tu ne seras pas concentré. Tu vas sortir un livre et tu vas le lire pendant mon cours. Et ça, c'est pas acceptable. Tu as quelque chose à dire? J'apprends mieux en lisant, quoi. Bah, de toute manière, j'aime pas l'école. Donc, Pourquoi tu aimes pas l'école? Parce que c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, tu penses? Bah, rester toute sa journée assis sur une chaise. Non, c'est pourtant des choses intéressantes. Bien raison. Bah, des choses intéressantes. J'apprends les mêmes choses dans des livres aussi. Donc, tu as cette faculté de pouvoir lire et de retenir en même temps ce que je dis. Oui. Virgile, il faut que tu apprennes à ne pas systématiquement vouloir avoir le dernier mot. Oui. Très bien. Donc, tu me dis oui et tu ne dis plus rien. Oui. Alors, qui veut démarrer? Voilà ce documentaire sur les enfants à haut potentiel, Ariel Ada, pour illustrer votre livre Psychologie des enfants très doués. On sent, alors ça c'est une constante aussi, enfin vous le dites, hein, il y a aussi ce sentiment de toute puissance quand même chez ces enfants parfois, avec cette pointe d'arrogance là qu'on entendait chez ce petit garçon. Oui. Ils se sentent comme si c'était sur le mode défensif. Ouais. Ils sont défensifs, ils se sentent à l'intérieur pas très sûrs d'eux-mêmes, ouais. pas très fragiles. Ce qu'ils disent, c'est je sais, je m'ennuie, ça m'intéresse pas, laissez-moi tranquille. Oui, là, la maîtresse, bon, elle m'embête, quoi. Ouais. Alors, non, la toute-puissance, c'est surtout pour les jeunes enfants. Ça, c'est. Ils parlent très bien, donc ils ont envie d'exercer leur don oratoire. C'est ça. Et ils négocient. Tout le temps. Pour le plaisir. C'est ça. Ça, c'est épuisant pour les parents. C'est hein. un cauchemar, parce qu'ils négocient tout et ils n'ont rien à perdre. Ouais. On ne va pas les mettre dehors, on ne va pas leur priver leur salaire, enfin, ils n'ont rien à perdre. Donc, ils négocient à fond, à mort, je dirais, et les parents n'en peuvent plus. Et moi, je dis qu'il ne faut pas négocier, qu'on explique pourquoi on demande quelque chose. On est tes parents, on t'aime, on veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Si on te demande de faire ça, c'est que c'est bien pour toi. Parce que négocier, c'est accepter des compromis. Ouais. Et il faut garder sa place de parent. Voilà. Avant tout. Négocier, c'est accepter un compromis. C'est comme le marchandage. Si vous commencez à marchander, le marchand dit c'est bon, je peux y aller, je vais y arriver. Ouais. Comme se justifier son attitude, c'est se sentir peut-être pas très sûr de soi et un peu coupable. Il faut ni se justifier, ni négocier. Ouais. Voilà. C'est vrai. C'est pas facile. Ouais. Alors, ces enfants, est-ce qu'ils ont beaucoup d'amis? Est-ce qu'ils arrivent à se socialiser facilement ou pas? Alors, souvent, je vois des enfants, le motif de consultation, c'est il n'a pas d'amis, il est tout seul dans la cour. Ouais. Ça, c'est et triste. Je vois des enfants adorables. Et je dis, alors, ils ont des QI très élevés. Je leur dis, mais je comprends que tu puisses ne pas avoir d'amis. Par exemple, c'est quoi un QI très élevé? 155, c'est le maximum, 160. Enfin, il y a 4 échelles, il y a 150, 155. Il y a 5 échelles maintenant, puis une échelle globale. Mais là, on comprend, ils fonctionnent trop vite, ils ont trop d'idées. et puis ils réagissent trop vivement. Donc là, vraiment, avoir des amis, si ils ont, c'est difficile. S'ils sont trop sensibles, s'ils sont pas très sûrs d'eux, s'ils sont un peu repliés, renfermés, un caractère comme ça, introverti, c'est très difficile. Ceux qui sont extravertis, ils deviennent leaders, ils entraînent toute la classe, ils proposent des jeux, c'est parti, ils ont une aura formidable. Ouais, ça fait penser à Napoléon que vous citiez dans un de vos premiers livres, c'est voilà, ça. Voilà, Napoléon qui a organisé une bataille de boules de neige qui a duré 9 jours, je crois, parce qu'il y avait de la neige. Ouais. Toutes les troupes ont suivi, il avait absolument pas de problème de solitude. Et d'être à part. Ouais, c'est extraordinaire comme exemple. Mais c'est extraordinaire, ouais. Il a continué. Quoi, il a fait la même chose plus tard. Il a continué avec son charisme d'enfer. Hein, il savait mener ses troupes. Ouais. Alors, les messages, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Cynthia nous dit, ma fille de 8 ans a sauté la dernière classe de maternelle. Tous les professionnels qui la rencontrent nous laissent entendre qu'elle est douée, mais nous hésitons à faire un test. Nous avons peur des conséquences sur elle et sur nous. Il n'y a absolument aucune conséquence à faire un test. Ouais. Le test montre, je vous ai dit, il y a 5 échelles, donc ça montre les points forts, les points faibles. Il y a forcément des points faibles, il peut y avoir des petites difficultés ponctuelles, ouais. Autant les déceler, et les points forts, ils savent qu'ils peuvent compter là-dessus. Le test, et les enfants en plus sont enchantés de passer un test. Ouais. Et je vois des adultes qui reviennent avec le test qu'ils ont passé enfant, en disant je continue à le lire et ça m'intéresse, ouais. Ça m'apprend des choses. On parle toujours d'un an d'avance, est-ce qu'on peut avoir 2 ans d'avance aussi? Il y en a des enfants qui sautent de classe. Hein. Oui, on peut tout à fait. Il y a aussi une question de mois de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, oui, qui naissent en janvier, ils sont les plus vieux de la classe, ça ne rime à rien. Ils sont nés un 3 janvier et ils sont le plus vieux alors qu'ils ont le plus élevé de la classe, ça ne rime à rien. Donc là, il faut faire sauter deux classes. Il faut faire sauter, absolument. Ouais. Alors Anne nous dit, je voudrais quand même attirer l'attention des parents d'enfants doués sur le fait qu'une classe sautée signifie une année de vie de moins commune avec son enfant, ce dont personne ne parle jamais. Toute la vie adulte, âge du premier rapport sexuel, vie avec un compagnon ou une compagne, vie au travail, tout sera avancé d'autant. Non. Ben non, absolument pas. Y a la maturation. Ça sera pas la vie avec les parents. Vous avez Tanguy là qui reste jusqu'à... Ouais. Donc non, pas du tout. Ça. Autant qu'il soit heureux, autant qu'il soit bien, autant qu'il fonctionne à son rythme. Donc pas de handicap particulier à faire sauter les classes, hein, selon vous. Pas du tout. Et l'expérience le montre. Hein. Ah oui, moi j'ai des retours, hein. Tous les gens que je vois me disent « vous m'avez fait sauter une classe » et j'en étais très heureux. Ouais. Est-ce qu'il arrive parfois que ces enfants redoublent après avoir justement sauté une classe? Et comment est-ce qu'ils vivent justement cet épisode particulier de leur vie scolaire? Alors, ils redoublent même sans avoir sauté de classe. Ouais. Ça doit être terrible, ça, pour un enfant doué, non? C'est un choc dont ils ne se remettent pas de leur vie entière. Ah bon? Je raconte qu'un jeune homme racontait, il rêvait qu'il mourait. Mais adulte, enfin il avait 30 ans. Et finalement, j'avais en thérapie, on a réalisé que c'était associé à un redoublement. C'est vraiment être rejeté dans... C'est comme un échec à un examen, le premier échec à un examen. C'est être rejeté dans les ténèbres extérieures, c'est être nié dans ce qu'ils pensent être eux-mêmes, de leur nature propre, ce qu'ils sont, ce qu'ils ressentent d'eux. Un redoublement est catastrophique. Ça peut arriver parce que ils ont fait les fous, ils sont pas intéressés, ils avaient l'impression, il y a un côté joueur de poker, je peux toujours me refaire, c'est facile, je me referai. Puis ouais. Finalement non, en quatrième ou en troisième, ils se refont pas comme ils pensaient pouvoir le faire. Donc ils vivent ça comme une humiliation. Ils le vivent comme une négation de ce qu'ils sont. Ouais. On les rejette. Ouais. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur l'idée de l'échec aussi, parce qu'il faut qu'ils soient confrontés à ça. Parce que l'expérience peut être aussi intéressante à vivre, mais il faut les accompagner aussi là-dedans. Ah oui, oui, mais parce qu'ils sont pas préparés. Quand je parle sens de l'effort et des gens qui en prépa ou en première année de médecine, on a des vraies dépressions. La vraie dépression avec hospitalisation, médicaments, les arrêts des études. J'ai vu des gens qui avaient arrêté leurs études. Une vraie dépression parce qu'ils avaient été collés et ils n'ont pas compris. Ils ont l'impression qu'ils avaient arrêté parce qu'ils avaient fait une dépression. Mais non. Et il fallait reconstruire l'enchaînement. C'est effrayant. Guilhem nous dit « Mon fils aîné est concerné par ce sujet. Il s'est retrouvé à réussir sans aucun effort jusqu'en troisième. Aujourd'hui, en première S, il décroche. Il n'est capable d'effort que dans l'art martial qu'il pratique. Voilà, ouais, peut-on avoir des idées pour l'amener à prendre conscience de la nécessité de pouvoir transposer cela aux autres domaines et pas seulement donc au tatami ?» Il faut lui apprendre à travailler parce que lui n'a pas les méthodes. Il n'a jamais eu besoin de méthodes. Lui, il lit, il sait. Alors comment apprendre par cœur quand on n'a jamais eu besoin d'apprendre par cœur? Ouais. Je dis gestion mentale, il y en a peut-être d'autres, mais ça passe par des méthodes. Lui-même, tout seul, ne trouvera pas. Ouais. Il ne faut pas rêver, ça n'a rien à voir avec le sport de combat. Il ne faut pas lui mettre ça sur le dos, parce que c'est trop lourd, trop écrasant. Il ne sait pas. Ils disent qu'ils restent des heures devant un cahier, ils comprennent pas ce qu'il faut faire, ils ne savent pas. Donc il faut leur apprendre. Ariel Ada, terminons par un message d'Alexandra qui nous dit « Je suis mariée à un adulte surdoué ». Alors oui, le surdoué dans le couple aussi, il y aurait un livre entier à écrire là-dessus. Hein. « Et ça n'est pas toujours simple », dit Alexandra. « J'ai souvent l'impression de passer pour une ignorante. C'est parfois difficile de se positionner. Avez-vous des conseils à me donner ?» Alors, le conjoint surdoué, il faut se le farcir aussi. Oui, hein. Mais ce que je pense, c'est que quand un couple fonctionne bien, les deux sont doués. Peut-être que c'est réparti différemment. Peut-être que son conjoint est très intellectuel, intellectualise tout. Mm-hmm. Peut-être qu'il est un peu défensif d'ailleurs. Il défend son précaré, il veut pas qu'on le touche. Et qu'elle, elle est plus spontanée. Donc elle dit des bêtises comme tous les gens spontanés. Ouais. Et lui il y a quelque chose, mais quand un couple fonctionne bien, un vrai couple, ils sont tous les deux doués. Et puis ils ont l'intelligence de pouvoir en parler peut-être aussi entre eux, et non ? Ils peuvent en parler, et il y a une complicité qui se passe des mots. Ouais. Au-delà des mots, dans un couple qui fonctionne bien, il y a une complicité au-delà des mots, et c'est vraiment l'essentiel. Voilà, donc si on retient quelque chose de cette conversation, c'est ne pas hésiter justement à dire, à prendre en considération justement le potentiel de l'enfant. Mais il faut pas le dire à tout le monde. Ouais. Il faut être très discret dans la famille, à l'école. Là, il faut vraiment pas s'en vanter, parce qu'on a l'air de s'en vanter, mais il faut absolument le prendre en compte. Ouais. Ariel Adam, merci beaucoup. Ça s'appelle Psychologie des enfants doués et cet ouvrage est sorti chez Odile Jacob. Voilà, c'est terminé pour cette Tête au Carré. Demain, le dossier sera consacré aux formes de vie primitive. Bon après-midi, Fabrice Ouel, dans un instant avec Affaires Sensibles.